plusieurs mois se sont passés, le jour se lève à peine sur les quais déserts, un agent de police frappe au volet fermé du bar. Un César ! Monsieur César ! César paraît à la fenêtre. Maître Panisse vous fait dire que le petit est en pleine opération de salissance. Ah bon, j'y vais. Merci, j'y vais. Ouais. Dans l'écurie d'un vieux mas de Provence, des paysans attellent un cheval à une voiture légère. Un grand vieillard donne des ordres. Allez, dépêche-toi, nom de Dieu! Mais où allez-vous, maître Panisse? Le petit de mon frère va naître. Un petit Panisse. Ton futur patron, Clarius. Car c'est lui qui aura tous mes vignobles. Faut que ça soit un garçon. Dans le magasin de voile, Panisse et César s'agitent et s'énervent. Tu crois qu'on a l'air bête, les hommes, hein? Le jour d'un accouchement. Elle est là, à côté, là, elle souffre. Et nous, nous sommes là tous les deux, nous avons l'air de grands couillons. Hein. Oh, elle a du courage, là. Tout à l'heure, avant que le docteur arrive, je lui tenais la main tranquillement, et elle ne disait rien, mais elle devait avoir mal, hein. Et sans le faire exprès, elle m'a enfoncé ses ongles. Tiens, regarde. Oh, pauvre Panisse. Il s'approche de la fenêtre entrouverte et pousse les volets. Une faible lueur révèle le clocher des accoules. L'aube se lève, César. Le jour va naître en même temps que mon enfant. Et c'est le beau matin de Pâques. Le petit va nous arriver avec les cloches. Honorine ouvre brusquement la porte de l'appartement. César s'élance vers la chambre, mais Panisse ne le suit pas. Il ramasse les lettres dorées qui étaient restées sur le comptoir, prend au passage une échelle et court compléter son enseigne. Sur la porte de l'appartement, le vieux docteur interdit aux visiteurs l'entrée de la chambre. Non ! Non et non ! La petite a besoin de calme. Si on laisse monter un régiment, vous ne répondez plus dans l'eau. Ça, c'est vrai, il a raison. Oui. Écoutez, docteur. Moi, je suis Elzéar Panisse, le propriétaire de Veine de Castille, le frère d'Honoré et le plus vieux de la famille. Alors, je voudrais bien voir la petite juste une seconde. Mais oui, docteur, lui, il faut, c'est notre plus vieux. Hein? Venez. Le vieillard entre dans la chambre, repose Fanny, et il s'avance lentement, d'abord vers le berceau, puis vers le lit. Il est beau. Il est beau. Belle sœur, je ne t'ai vu qu'une fois. C'était le jour de ton mariage. Et pourtant, je te tutoie parce que tu es de notre maison. C'est une maison honnête et riche. Qui a été toujours un peu triste parce que nous n'avions pas d'enfants ni les uns. Ni les autres, alors nous allions tous partir, chacun son tour sous la terre, le dernier aurait emporté notre nom. Mais toi, tu y es, tu te couches, et tu nous donnes un beau garçon. Eh bien moi, le plus vieux de la famille, au nom de nos cousines de Bézon, de nos tantes du Martigues, de tous nos parents de Camargue, et même de tous ceux qui sont morts, j'ai attelé le cheval dans la nuit, pour venir te dire notre joie. C'est un garçon. Merci. Merci, belle sœur. Merci.